Tunafika wakati yetu ya mzuri ya kumusifu wetu Mungu. Kama tutashimamia kwa yulu njuu ya kumusifu wa milele. Haleluya. Beta mwa mololo, mololo, mololo, mololo, mololo. Oh, nous te louons. Merci Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir le Seigneur? Prépare ton cœur parce que Père, nous te sommes reconnaissants, Jésus. Alléluia. Tu es toute notre vie. Nous avons rencontré des hommes. Nous avons rencontré des grands, des puissants, des forts, des riches, des faibles, des amis, des frères, la famille. Alléluia. Mais te rencontrer toi, ça a changé littéralement notre vie. C'est pourquoi chaque fois que je dois venir dans ta présence, je suis rassuré. Alléluia. Je suis rassuré. Alléluia. Oh, tu es merveilleux. Jésus est Yangonde Maka Sinanga Nayo Kaka Mungo Ma Jésus Yangonde Sengo Nanga Kofanda Pembe Nya Shama Yangonde Maka Sinanga Nayo Kaka Mungo Ngo Nayo Yangonde Ta parole a en elle la vie. La vie sur des choses sèches. La vie sur une terre de désolation. Merci pour ce moment. Nous nous recommandons entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, bravo Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie. Je sais que c'est lundi, mais c'est toujours un jour que Dieu a créé. Et nous avons une semaine merveilleuse. C'est la semaine de Pentecôte. Et nous avons un merveilleux que Dieu nous a donné. avec lequel nous sommes dans la chambre haute pour prier le Seigneur, pour chercher la face de Dieu. Et nous croyons que quand on vient devant le Seigneur, on ne rentre pas tel qu'on est venu. Ça, c'est une semaine de bonnes nouvelles. Parce que c'est une semaine de prière. Je suis convaincu qu'après cette semaine, nos vies seront transformées. Alléluia. Amen. Nos maisons seront transformées. Le ministère sera transformé. Quelque chose va se passer pour glorifier le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Et nous allons inviter l'apôtre Samuel. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à côté de toi? Amen. Amen. Nous disons merci à l'Éternel Dieu. Parce qu'il a permis que nous puissions encore être ce soir en ce lieu. Vraiment, cette semaine est une semaine merveilleuse. Nous bénissons Dieu pour la présence du Père de la maison en ce lieu. Vous savez, avoir un Père spirituel qui aime Dieu et qui vous dirige dans les bons chemins, c'est une grâce exceptionnelle. Vous savez, quand Dieu veut bénir un quartier, s'il veut bénir un quartier, il plante une église. Mais s'il veut changer la vie d'une personne, il va prendre une autre personne, il le plante dans sa vie. Parce que tu peux avoir beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, mais tu manques une personne. Alléluia. Amen. Et la personne que Dieu te donne, vous savez, il y a un homme de Dieu qui m'a dit ceci. Ne te détache pas d'un grand homme de Dieu, même si tu ne le comprends pas. Alléluia. Amina. Ne vous détachez pas de votre Père, même si vous ne le comprenez pas. Mais demain, vous le comprendrez. Un leader, on ne le comprend pas aujourd'hui. C'est demain qu'on le comprend. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Que l'Éternel Dieu soit, le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié en ces lieux. Nous lisons notre verset de base dans Juges chapitre 6, verset 34. La Bible dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen. Amina. Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous croyons en toi. Tu es notre aide, notre consolateur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Enseigne avec nous, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus en ces lieux. Que la puissance de Dieu soit manifeste. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Et couvre-nous ce soir en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons enseigner la parole de Dieu. Léo, tu t'as fondé chaque année nous la bonne. Et après, nous allons entrer dans des forts moments de prière, de combat spirituel. Na kisha yote tu t'engie mu mahombi yanguvu ya ukomvi. Alléluia. Amen. Nous allons prier sérieusement. Kuomba kabisa. Parce qu'il est très nécessaire de prier. Kwa sababu inakuwa muhimu tupate kuomba. La prière, c'est une maternité. Mahombi inakuwa ni fasi ya kuzalia. La prière est une entreprise qui ne tombe jamais en faillite. Mahombi inakuwa ni kampuni ile haichombake kamwe. Écoute ce que tu pries. Sikia ile unaomba. Va toujours arriver un jour. Itafika siku moja. Parce que la Bible dit. Kwa sababu Biblia inasema. Lorsque vous avez prié. Vile muruweza kuomba. Croyez que vous avez déjà reçu. Aminieni ya kwamba musha kupokea. Et après vous allez entrer en possession. Na kisha mutafikia siku moja. Lorsqu'on prie, on reçoit. Wakati tunahomba tunapokea. Il y a un temps d'entrer en possession. Na kuna wakati ile tunaweza kuishika. C'est ce qu'on a demandé à Dieu. Ya ile tunaweza kumlomba Mungu. Et surtout Dieu même si on prie. Na hivi Mungu wakati tunahomba. Il nous donne des choses au moment opportun. Anatukaburiaka bitu kwa wakati inafai. Tu peux prier quelque chose aujourd'hui. Unaweza kuombea kitu kimoja leo. Mais Dieu ne te le donne pas. Lakini Mungu asikupe kwa pana. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas exaucé. Ila inamaanisha kusema sitimizi. Il a exaucé. Aliweza kutimiza. Mais il attend un moment propice. Lakini anasubiri wakati nzuri. Amen. Amina. Il est un bon papa. Anakuwa ni baba mzuri. Il connaît tes capacités. Anajua mawezaji yako. Il connaît le moment. Anajua wakati favorable ile inafai pour répondre à ta prière. Ili apate kujibu kuombi lako. Amen. Amina. Nous avons commencé à parler sur un sous-thème. Tulianzisha kusemezea kukisina ndogo. Qui est intitulé le mariage du cheval et la colombe. Kiliweza kuitwa hata ndoa ya mwana punda na njiwa. Nous avons expliqué cette union. Tuweza kufasiria hata hii mambatano. Nous avons vu la personne de Gédéon. Tuweza kuona hata mtu wa Gideoni. Une personne que Dieu a choisi. Mtu ambaye ule Mungu aliweza kuchakula. Écoutez, le choix de Dieu. Sikieni uchaguzi wa Mungu. Ne suit pas les principes des hommes. Haifatake makanuni ya watu. Ce n'est que le choix des hommes. Ni paka ma uchaguzi ya watu. Suit les principes des hommes. Ile nafataka makanuni ya watu. Parce que Dieu te connaît avant ta naissance. Kwa sababu Mungu anakujua vizuri kabla ujio. Il te connaît avant que tes parents soient mariés. Anakujua kabla wazazi wako wapate kuoana. Il connaît de quoi tu es capable. Anajua ile unakuwa nazo kama wewe. Le choix de Dieu. Na uchaguzi wa Mungu. Ne tient pas compte de ta tribu. Ailinganishaka tena kabila. Ni de ta famille. Hata na jamala lako. Ni de tes parents. Hata na wazazi wako. Parce qu'il est celui qui a choisi un fils d'un prostitué. Kwa sababu ana prostitué. Anakuwa ni yule alichakula mtoto wa mkaaba. Pour en faire de lui un juge en Israël. Jua kumfanya yeye muhamzi muisraeli. Mais Gédéon n'avait pas compris que Dieu. Gédéon hakuweza kutambua kama Mungu. Connaissait les capacités qui étaient en lui. Alijua mawezaji yalikuwa ndani yake. Écoutez, tu as des choses qui sont cachés en toi. Sikia unakuwa na vitu vinafichwa ndani yako. Tu as des leaders qui sont en toi. Unakuwa na uongozaji na kwa ndani yako. Si tu les libères. Kama tunaiachilia. Ils vont changer ta vie. Itabadili maisha yako. Ils vont t'amener à la gloire. Itakupeleka hata kutukufu. Quand tu as rencontré Gédéon. Wakati Mungu alikutana na Gideon. Vaillant héros. Alisema shujaa mkubwa. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Mungu alimuita Gideon shujaa. Avant même qu'il ne puisse pas commencer la bataille. Kabla pata hata kuanzisha vita. On appelle un héros. Tunaita shujaa. C'est lui qui a livré la bataille. Yule aliweza kupigana vita. Qui a vaincu, qui a libéré les autres. Yule aliwina na kukomboa hata wengine. Dieu l'appelle. Lakini Mungu anamuita. Héros avant la bataille. Shujaa kabla tabukonzi wazi. Parce que Dieu connaissait ce qui était en lui. Kwa sababu Mungu alijua yote yalikuwa ndani yake. Dieu connaît ce qui est en toi. Sikia Mungu anajua yale ndani yako. Tu as quelque chose que tu possèdes. Uko na kitu kimoja kile unashika. Quand Dieu te sauve. Wakati Mungu anakutoa. Il connaît de quoi tu es capable. Anajua mawezaji yako. Il y a des gens qui paraissent puissants. Kuna watu wanajionekanisha wa nguvu. Intellectuels. Wenye akili zaidi. Beaucoup de moyens. Wanakuwa tena manana yote. Dieu les a laissés. Lakini Mungu aliweza kuacha. Il t'a choisi toi. Alikuchagula wewe. Qui n'a pas un beaucoup de moyens. Hauna tena manana. Tu es né dans une famille compliquée. Ulizalika mchama ya mvurugo. Tu n'as pas beaucoup étudié. Au kujifunza mzuri. Mais Dieu t'a choisi. Lakini Mungu aliweza kuchagula. Parce que lui ne regarde pas. Kwa sababu yeye asitazame. Comme les hommes voient. Kama vile watu wanaona. Il y a quelque chose en toi. Kuna kitu ndani yako. Lorsque Dieu a appelé Gédéon. Wakati Mungu alimuita Gideon. Gédéon était faible. Gideon alikuwa mdhaifu. Gédéon était timide. Gideon alikuwa mtaratibu. Parce qu'il s'est caché. Il cachait même la nourriture. Il se lamentait à Dieu. Il paraissait faible. Mais quand Dieu l'a choisi, il fallait qu'il libère son esprit. Pour que l'esprit de Dieu puisse reposer sur lui. Or, la Bible déclare, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de la servitude. Pour que nous puissions avoir peur, nous avons reçu l'esprit de Dieu qui crie en nous Abba Père. Nous sommes les fils de Dieu. La présence du Saint-Esprit en toi témoigne que Dieu est avec toi. Parce que quand vous étudiez sur les symboles du Saint-Esprit, on l'appelle gage. Vous savez, gage veut dire quoi? Gage mana kenini? Donc cela veut dire quelque chose qui unit deux personnes. Par exemple, tu as ma dette. Et tu me dis que je vais te payer la dette. Je vais te demander comment est-ce que je saurai que tu vas me payer ma dette. Tu me dis, prends mon iPhone. Unasema, chukua simu yangu ya iPhone. Dès que je vais te donner ton argent, c'est pas là que tu vas me remettre. Nani pale utaweza kunirudishia. Dieu nous a donné son esprit. Mungu alitupa roho yake. Pour témoigner qu'il est avec nous. Donc, la présence du Saint-Esprit en toi. Témoigne que Dieu est avec toi. Et nous avons lu dans les livres, nous avons commencé maintenant à expliquer le mariage du cheval et de la colombe. La Bible dit le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. On dit que le cheval est équipé au jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nous avons compris une chose. Nous avons dit que le mariage, c'est l'union. C'est le partenariat. C'est une alliance. C'est une communion. C'est ce que nous avons dit en grec, on appelle ça koinonia. Koinonia qui veut dire en anglais fellowship. Ça veut dire qu'une amitié qui est profonde. L'amitié qui est profonde. Urafiki wa ndani zaidi. Avec le Saint-Esprit, pamoja na Roho Mtakatifu, c'est quelque chose de profond. Inakuwa ni kitu kimoja cha uketo zaidi. C'est très profond. Inakuwa ni kitu cha uketo kabisa. L'esprit de Dieu avec toi. Roho ya Mungu pamoja nawe. C'est comme le cheval et le cavalier. Inakuwa ni kama punda hata na muongozaji wa punda. Donc Jésus dans la chair, Mungu Yesu mwili, il ne pouvait rien faire. Asikuweze kufanya kitu. Il fallait que la colombe descende sur lui. Or, quand nous voyons le cheval et la colombe, nous voyons la chair et l'esprit. La Bible dit la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est fort. Donc, dans la chair, il est impossible d'opérer des miracles. Il faut qu'il y ait une autre dimension qu'on appelle la dimension de l'esprit. Donc Jésus était comme un cheval préparé pendant 30 ans. Parce que Jésus connaissait déjà la loi. Jésus connaissait la loi. Yesu alikuwa shajua sheria. À 12 ans, il affrontait les scribes. Na kwa umri wa miaka 12 alitaarisha les scribes. Il discutait avec eux au temple. Alianza kuzungumza nao kwenye hekalu. Il fallait attendre. Lakini ifadhali apate kusubiri. L'esprit de Dieu. Roho wa Mungu. Puisse descendre sur lui. Apate kushuka kwake. Il était d'abord préparé. Alikuwa mwenye kutarishiwa. Il entrait dans les synagogues. Aliingia katika mahekalu. Il connaissait la loi de Moïse. Alijua ta sheria ya Musa. Lakini siku ya ubatizo wake. L'esprit de Dieu est descendu sur lui. L'esprit de Dieu, c'est le cavalier qui dirige le cheval. C'est pourquoi la Bible déclare le Saint-Esprit vous conduira dans toute sa vérité. C'est pourquoi Jésus, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, la Bible dit ceci, l'Esprit l'a conduit dans le désert. C'est maintenant le cavalier qui a pris la possession. Du cheval pour la bataille. Gideon, c'est un cheval préparé pour la bataille, préparé pour la guerre, parce qu'il devait libérer le peuple de Dieu. Mais on ne peut pas libérer le peuple de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus, après avoir été dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle au peuple. Or, la bonne nouvelle, c'est un combat entre le monde des ténèbres et le Christ. Parce que c'est le monde des ténèbres qui fait entrer les gens dans le péché, qui prend les gens en otage. Lorsqu'on les prêche, c'est une bataille de récupération. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous prêchez, ne croyez pas, vous faites la moindre chose. Même si les gens n'ont pas tombé, il y a quelque chose qui s'opère. Parce que les gens croient que lorsqu'il a prêché et que les gens ne sont pas tombés, il n'a rien fait. Non, il y a un travail qui s'est passé. Je me souviens un jour, j'étais parti voir un ami. C'était un jour de culte. C'était un certain mercredi. Il m'a dit, ah, comme tu es venu aujourd'hui, tu vas m'épauler. J'ai cherché la prédication. Je ne trouve rien. Moi, je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu te rendre visite. J'étais en passant. Non. Dieu a amené un prédicateur. Il l'a forcé. Je dis, ok, voyons. J'ai commencé à méditer dans ma tête. L'Éternel m'a donné un enseignement. J'ai enseigné il y a des années. Le nuage et la pluie. J'ai dit, il n'y a pas de pluie sans nuage. J'ai parlé beaucoup de points. J'ai dit que la pluie ne vient que lorsqu'il y a des nuages. Or, la Bible dit que la pluie, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Les nuages sont des difficultés. Les nuages, ce sont des moments difficiles. Au milieu de l'église là, il y avait un monsieur avec un poison dans sa poche. Il a dit, je pars à l'église, j'entre dans le dernier culte de ma vie. Lorsque je vais rentrer à la maison, j'ai empoisonné, je meurs. J'ai tellement souffert. Quand il a écouté ce message, il a dit, oh, ce que je suis de traverser, ce sont des nuages qui préparent ma pluie. Il est venu au bureau, il a amené le poison. C'est là que j'ai compris. Quand quelqu'un prêche, c'est un combat avec le monde éternel. C'est un cheval sur lequel le Saint-Esprit, le cavalier. Des fois, tu peux préparer un message. Je peux la scène, tu arrives à la chair comme ça. On a tu commences à parler autre chose. Tu te poses des questions. Moi, je n'ai pas préparé ça. Tu es un cheval. Uko farasi. Le cavalier a changé de direction. Na mungosa jaruweza kwenda munjia ingine. Écoutez. Sikieni. La voiture. Gari, malgré sa grandeur, ingawa unene wake, c'est un petit monsieur là, inakuwa tu ni mtu un volant, trop petit, qui peut tourner, qui peut changer le mouvement de la vie. Il est naweza kubadirisha hata mwenendo wa gari. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit. Biblia nasema wote wanaongozwa kwa roho. Ils sont fils de Dieu. Wanakuwa wana wa Mungu. Hier je suis allé, j'ai dit comment est-ce qu'on prépare un cheval? Jana mimi nilienda na nikazungumzia gisi kani wanatarishaka farasi. Cheval comme une personne. Farasi kama mtu préparé à la bataille. Mwenye kutarishwa kwa ajili ya vita. Je pouvais aller très loin mais le temps ne me permet pas. Fasha kwenda hata lakini wakati haikuruhusu. Salomon, c'est l'image inakuwa ni picha de Jésus-Christ. Ya Yesu Kristo. Parce que Salomon avait 1000 femmes. Kwa sababu Salomon alikuwa na wanawake 1000. 300 femmes. Watoto 300. 300 femmes. Wanawake wa 300 et 700 concubines. Na 700 concubines. Alléluia. Amina. Concubines vous savez nini? Masuria. Alléluia. Amina. Mais tu interprètes bien, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, chez les Hébreux, chiffre zéro ne compte pas. Sifuru abaisabia kapana. Non, cela veut dire Salomon avec une seule femme. Ni kusema tu Salomon alikuwa na mke moja. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'a qu'une seule femme. Sema Yesu alikuwa na mke moja. Qui est une église. Inakuwa kanisa. Mais composée par plusieurs nations. Ile inatungwa hata na mataifa zote. Écoutez, Salomon avait des chevaux. Salomon alikuwa na wafarasi. Des chevaux. Alikuwa na wafarasi. Chez lui. Kwake. Mais Salomon. Lakini Salomon. Est allé encore acheter des chevaux. Alikwenda tena kuuza farasi zingine. Qui viennent de l'Égypte. Ile ritoka ku Misri. Il y avait des chevaux d'Israël. Kurukua wa farasi wa Israeli. Associés aux chevaux de l'Égypte. Wale waliweza kuchanga tena farasi. Yesu Kristo. Est venu pour Israël. Alikuwa juu ya Israeli. Et pour les nations. Na juu ya taifa lote. Nous sommes des chevaux. Na sisi tunakuwa farasi. Venu de l'Égypte. Wenye kutokea ku Misri. Alléluia. Amina. Et vous allez comprendre, il a commencé d'abord par utiliser les chevaux qui viennent de l'Égypte. Na mutaweza kuelewa waliweza kutumia kwanza farasi litoka Misri. Alléluia. Amina. Nous sommes venus des nations. Tunatokea mu mataifa. Mais comme nous sommes venus des nations. Na hivi tunatokea mu mataifa. Nous sommes des chevaux. Tunakuwa mafarasi. Préparés à la bataille. Benye kutarishwa kwa ajili ya vita. La première des choses. Na kitu kya kwanza. Pour que le cavalier. Ili tumuongozane. Qui est l'esprit de Dieu. Ule anakuwa roho wa Mungu. Puisse descendre le jour de la Pentecôte. Apate kushuka siku ya Pentecôte. Il devait y avoir une préparation. Ifazali kukuwe matayarisho. La première préparation. Na matayarisho ya kwanza. On les a préparés par la parole. Bariweza kuitarisha kupitia neno. Jésus les a enseignés pendant 3 ans. Yesu aliweza kuwafundisha kadiri ya miaka 3. Écoutez, l'esprit de Dieu. Sikieni roho wa Mungu. Ne descend jamais. Asishukake kamwe. Là où il y a pas la parole. Pale hapana neno. Donc la parole de Dieu. Ni kusema neno la Mungu. C'est ce qui motive l'action du Saint-Esprit. Ni kile kinakuwa natilia nguvu tendo la Roho Mtakatifu. Un chrétien qui connaît la parole de Dieu. Mu Kristo anajua neno la Mungu. Il va opérer dans des dimensions extraordinaires. Ataweza kutumika mu matua moyo mastajabu. On peut même le traiter de sorcier. Na banaweza kumuita hata mfanya marifa. C'est lui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Kwa sababu ule anambatana kwa neno la Mungu. Il est un homme incontournable. Anakuwa ni mtu la tuwezi kuvuruga. Dieu ne marche que avec les gens qui connaissent sa parole. Na Mungu anatembea paka na watu wanajua neno. Beaucoup de chrétiens ont ignoré la parole. Na watu wa Kristo wengi waliweza kusaulika. Lorsque vous ignorez la parole de Dieu, vous allez marcher dans les problèmes chaque jour. Mutaweza kuanza kutembea mu mambo siku zote. Écoutez, qu'est-ce que Jacques dit? Nini Jacques anasema? Jacques dit ceci. Jacques anasema hivi. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Que sura yake ya kwanza? On commence au 22e verset. Tunaanza pa mstari wa 22. Il dit, anasema, mettez en pratique muweke katika tendo la parole neno, et ne vous bornez pas à l'écouter na musuweze tu kusimamia kwa kusikia, en vous trompant vous-même kwa kuweza tu kujivuruga wenyewe, par de faux raisonnements kwa mafikiri mubaya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vous savez, ce qui cause beaucoup de problèmes dans les chrétiens, c'est unajua ile inakuwa naleta tatizo kwa Kristo ni nini? Se borne toujours à l'écoute. Beko na simamia tu mkusikia. En se trompant eux-mêmes par des faux raisonnements. Na wakajivuruga wenyewe kupitia mawazo yao. Les chrétiens marchent par des opinions des hommes. Ata wa Kristo weko natembea kulinganisha hata nakutaka kwa watu. Par la parole de Dieu. Na ina kulinganisha na neno la Mungu. Beaucoup de chrétiens. Jo vile wa Kristo wengi. Condamne toujours les autres. Beko paka na makia wengine. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Kwa sababu hawajui neno. Mais si vous marchez dans la parole. Lakini kama mnatembea katika neno. Vous allez vivre des manifestations extraordinaires. Mutaisha tama wakati mastajabu. Verset 23 dit ceci. Na mustari wa 23 si quelqu'un écoute la parole. Na kama tu mtu anasikia neno. Et ne la met pas en pratique. Na siweke katika tendo. Il est semblable à un homme. Analinganishwa na mtu. Qui regarde dans un miroir. Ule kunangaria mukio. Son visage naturel. Na uso wake wa kila siku. Et qui après être regardé. Na kisha kuweza kujitazama. S'en va et oublie aussitôt quel il était. Anakwenda na nasaulika vile. Kile aliweza kuwa. Parce que la Bible dit celui qui écoute la parole. Ni kusema ule anasikia neno. Et qui la met pas en pratique. Il est semblable à quelqu'un qui parle devant un miroir. Na analinganishwa na mtu anakuwa mbele ya kioo. Anajitazama. Lorsqu'il parle. Wakati atatoka. Il s'oublie lui-même. Anajisaulika mwenyewe. Parce que ce que j'ai vu au miroir. Kwa sababu ile niliona kukio. Je le connais plus après avoir. Sitambue tena kisha kwenda. Après avoir quitté le miroir. Kisha kutoka tu pa kioo. Maintenant la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema hivi. Si quelqu'un croit être religieux. Kama mmoja anaaminia kwa Mkristo 25. Mais celui qui aura plongé le regard. Ata ule ataweza kuchusha macho yake ndani. Dans la loi parfaite. Kwa sheria ya uhakika. La loi de la liberté. Ata na sheria ya uhakika. Et qui aura préservé. Na ule ataweza kukinga. Persévérer. Na kusonga mbele. N'étant pas un auditeur oublié. Asitakuwa mtu kusikia tu wa kusaulika. Mais se mettant à l'œuvre. Na kujeuka katika tendo. Celui-là sera heureux dans son activité. Ule atakuwa mwenye heri mutendo lake. Est-ce que je suis en train de comprendre? Donc Dieu te prépare. Unajitayarisha. La parole. Neno. Te prépare pour le combat. Iko nakutayarisha kwa ajili ya bukonzi. La parole. Neno. Te prépare. Iko nakutayarisha. Écoutez. Sikieni. Quand la main tombe. Wakati amani anza kuanguka. Il y a la première chose qui précédait. Kuna kwa kitu kia kwanza kiranza kutangulia. Qu'est-ce qui précédait d'abord? Ni nini ranza kutangulia? C'était pas la man. Haikukwepa kala man. Alléluia. Amen. Il y a la rosée qui commençait d'abord. Kurikuwa kwanza lumande ile ranza kuanguka. Après la rosée, kisha umande, c'est la man qui tombe. Inakuwa sasa la man ile ranza kuanguka. Si je pars. Na kama tunasema dans l'arche de l'alliance. Ata mwile agano tu. Nous allons trouver il y avait trois choses. Tutakuta mrukwa vitu viwili. Il y avait la verge d'Aaron. Kurikuwa tabakora ya Aaron. Il y avait le table de la loi. Kurikuwa ata meza ya sheria. Il y avait la main à l'intérieur. Na kurikuwa la main pale ndani yake. Dans la globalité. Na muingi ya yote. Tout cela représente Christ. Yote rianza kuonesha picha ya Kristo. Mais si je parle dans les trois dimensions. Lakini kama naingia mwile matu watatu. Je vois Dieu le Père. Naona Mungu Baba. Dieu le Fils. Naona Mungu Mwana. Et l'Esprit de Dieu. Na roho ya Mungu. Parce que lorsque la main est tombée. Wakati main yanaanza kuanguka. Les gens ont dit. Watu walisema. Qu'est-ce que c'est ça? Nini iye? Même le jour de la Pentecôte. Ata siku ya Pentecôte. Cette parole est revenue. Qu'est-ce que c'est ça? Il est neno rweza kurudia ni nini iye? Donc l'esprit de Dieu. Ni kusema roho wa Mungu. Les personnes que là où il y a la rosée. Inashukaka pale la rosée, c'est l'image de la parole. Chapo lumande na pani mpika neno. Quand il est entré dans la maison de Corneille. Wakati Mungu alitazama mwili wa Corneille. Il a commencé à enseigner. Alianza kufundisha. Lorsqu'il évoluait dans l'enseignement. Na wakati alianza kuendelea mafundisho. Tout à coup les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il s'est étonné. Même les nations ata mataifa ont reçu l'esprit de Dieu. Iliweza kupokea roho wa Mungu. Là où il y a la parole, pale pana kwa neno, il n'y a pas de distinction. Hakuna mautofauti. Mettez la parole en pratique. Tuweke neno katika tendo. Si la parole dit, kama neno inasema, Jésus t'a guéri. Mungu alikuponya. Tu es guéri, mon frère. Unaponywa ndugu yangu. Même si tu en prie pour toi. Ata kama mais que tu sens la maladie continue. Na unasikia magonjwa kuendelea. Toi déclare la parole de Dieu. Wewe tangaza neno la Mungu. Toi dis. Par ces blessures. Kupitia vidonda. J'ai été guéri. Niliweza kutunzwa. C'est fini. Kunaisha. C'est ça Dieu. Jo Mungu ole. Et des fois on se complique pour rien. Mara mingi tunajivuruga bule. Dieu te prépare. Mungu anakutarisha. Par les enseignements. Kupitia mafundisho. C'est pourquoi aimer les enseignements. Inafadhali tupende mafundisho. Fede toi un guerrier. Ikunafanya wewe mpiga vita. Proverbe 24 verset 4. Fumbo 12:4 mstari wa 4. Que dit la Bible? Biblia inasema nini? La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? C'est par la science. Lorsqu'on est en train de lire, tu peux encore balancer une autre version. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Mais dans une autre version, une autre version dit quoi? Là, on dit avec l'expérience. En soi, on dit ceci. La maison de celui qui a la connaissance. C'est la maison qui est remplie de précieuses choses. Donc, quand tu as la connaissance de la parole, il y a des choses précieuses qui vont entrer dans ta vie. Des choses agréables. Mais les gens ignorent la parole. C'est pourquoi beaucoup de choses les échappent. Et quand tu t'appliques à marcher dans la parole, les gens vont s'opposer à toi. Mais demain, ils vont s'agenouiller devant toi. Et même beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ne veulent pas marcher dans la parole. Nous sommes allés prêcher dans une ville il y a de cela 2 mois. On a fait des réunions avec les hommes de Dieu. Ils ont dit ceci. Est-ce que vous êtes venus ici avec l'huile? L'huile, quelle huile? Non, avec l'huile d'onction. Mafuta ya upako. Si vous êtes venu avec l'huile d'onction, kama mulikuja na mafuta upako, nous ici on ne reçoit pas. Sisi hapa tumipokee. Ah non. Non, nous sommes venus sans huile. Vérifiez même dans nos. Tunawaambia sasa tukukuja na mafuta mtazama. Est-ce que utiliser l'huile d'onction, c'est un péché? Tunawaambia kutumia mafuta ya upako inakuwa ni dhambi. Non, non, ici on ne veut pas. Non, rentrons dans la Bible. C'est lui qui a parlé de l'huile. C'est le frère de Jésus, Jacques. Il a dit, si quelqu'un parmi vous, il est malade, il appelle les anciens de l'église pour les oindre. Avec la prière de la foi, le malade sera guéri. Marc 6 dit quoi? Les disciples de Jésus-Christ, en étant avec Jésus, ils ont prié pour les malades. Et ils les ont oints avec l'huile. C'est la parole. Même si toi tu n'utilises pas, mais c'est la parole de Dieu. Et si je sens utiliser, je vais utiliser. Je n'ai pas commis le péché. Les péchés, c'est faire ce qui est en dehors de la parole. On a lu la Bible. On dit non, non, nous on ne croit pas. Et nous avons dit que nous aussi on utilise l'huile. Et donc on ne peut pas être avec vous. Mais nous on n'a pas utilisé. Et Dieu a guéri beaucoup de gens. Écoutez, ne marchez pas dans les opinions des hommes. Marche dans la parole. Dans les choses de Dieu. N'ayez pas cette vie de plaire tout le monde. Plaise seulement la parole de Dieu, c'est fini. C'est lui qui accepte qu'il est avec toi. C'est lui qui refuse qu'il parte. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Soyez préparés. Mutarishiwe. Choristes, soyez préparés. Waimbaji, mutarishiwe. Vous êtes des chevaux. Il y a un cavalier qui va descendre sur vous. Vous chantez, les malades sont guéris. Vous chantez, les démons fuient. Vous chantez, les gens sont remplis de la puissance de Dieu. Préparez-vous dans vos répétitions. Mais laissez la place à la parole. Amen. Amina. La dernière chose, ils ont été préparés les disciples dans la prière. Ils n'ont pas attendu la Pentecôte à la maison. Ils se sont enfermés dans la chambre haute. Parce que Jésus est apparu après sa résurrection. Il était avec pendant 40 jours. Et lorsqu'il est parti, c'est le moment qu'ils se sont jetés dans la chambre de prière. Ils ont prié pendant 10 jours. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur leur vie. Si vous plongez dans la parole, vous ouvrez la la porte aux cavaliers. Écoutez, aujourd'hui, le diable a attaqué la prière. Beaucoup de gens priaient, ça devient difficile. Ils ne prient seulement lorsqu'ils sont à l'église. Frère, cherche la face de Dieu dans la prière. Dieu peut faire descendre le cavalier sur toi. Tu vas même prier pour le président. Tu ne comprends pas les choses. Hein? Le cavalier va te conduire vers le président. Tu vas rencontrer des grands dans ta vie. Mais la chose arrive quand tu es un homme de genoux. Tu es encore un jeune de 17 ans. Tu échoues à trois jours à sec. Même un jour à sec, tu trembles. Est-ce que toi, tu vas bouger le monde? C'est pourquoi beaucoup de jeunes se plongent dans l'occultisme. Dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, pour chercher la voyance. Beaucoup voient, ils donnent des noms, ils donnent des numéros. Ils n'arrivent même pas à guérir quelqu'un qui a un mot de tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre la prophétie. Si ne kinyume, moi aussi je prophétise. Nami vile na tabiri. Mais nous devons prier. Ina fazali tuombe. Même pendant ces 10 jours ici. Ataka diri ya siku kumi. Même si on ne te dit pas de jeûner. Moi aussi pas de déjeuner. Jeûne. Nishu kusema usifunge chakula. Unaweza unafunga chakula. Quand tu jeûnes. Wakati unafunga chakula. La puissance de Dieu va te rencontrer. Uwezo wa Mungu itakutana nawe. Et ça changera ta vie. Na itabadirisha maisha yako. Aujourd'hui. Léo, les gens n'ont plus besoin de dons. Ils n'ont plus besoin de dons. Écoutez, un don zawadi peut t'amener partout au monde. Inaweza kufikisha fasi yote ulimwengu mzima. Un don zawadi moja peut amener de grandes personnalités tout autour de toi. Inaweza kuleta watu wakubwa kando kando yako. J'ai vu des gens qui n'ont pas étudié. Niliona watu wakujifunza vizuri. Je ne dis pas que tu ne puisses pas étudier. Parce que quand tu es un ministre et que tu as un niveau trop bas de l'école, ça complique les choses. Hein? Alléluia. Amina. Mais les études avec l'Esprit de Dieu, lakini majifunzo na roho Mungu, non, c'est terrible. Inakuwa mastajabu. Amen. Amina. Amen. Amina. La troisième chose, kitukiatatu, Dieu prépare ta mentalité. Mungu yuko na tarisha hata kuwaza kwako. Le problème de l'homme, c'est la mentalité. Mambo ya mtu tu ni faswa, ni namna yake ya kuwaza. Namna yake ya kuwaza. Il y a même des gens qu'on a délivrés. Kuko watu wale waweza kuwafungua. Ils se sentent toujours être en possession des démons. Lakini wanajikuta tu mkipimo kakuwa wenye kushikwa na mandemo. Les démons ont demeuré dans sa mentalité. Kwa sababu mandemo yanaweza kutembea kwa mafikiri yake. Sans la puissance de Dieu. Je parle tant parce que ouais ça Mungu. Lui, sans que ce soit les démons. Yeye anasikia kusema ni mandemo. Quand on les touche, commence déjà à dire, je pars, je sors. Ukimugusa anaanza kulalamika naenda. Tu l'appelles Kalunga, il se réveille. Ukimuita Kalunga analamka. Tu as déjà été délivré. Jésus t'a sauvé sur la croix. Yesu Christ t'a sauvé sur la croix. Mais change ta mentalité. Badirisha namna kwa kuwaza. Tu es un guerrier. Unakuwa mpiga vita. Un guerrier ne pleure pas. Mpiga vita asili yake hapana. Quand tu as été sauvé par Jésus. Wakati uweza kuokolewa kwa Yesu. Tu as été sauvé pour se battre. Uweza kuokolewa tu kupiga vita. Tu n'as pas été sauvé pour que tu dises que chez Jésus tout est bien. Oui. Mais le jour que tu as décidé d'accepter Jésus, c'est le jour que le combat a commencé. Or, pour vaincre le combat, il faut que tu sois saisi de l'Esprit de Dieu. Écoutez, Gédéon a combattu deux combats. Le combat intérieur et le combat extérieur. Il a d'abord détruit l'hôtel de son père. Et après, il est allé délivrer la nation. Na kisha rienda kuokoa sasa taifa. Tu as d'abord le combat de ta famille. Kwanza uko na mvita ya jamaa yako. Le combat de ta famille. Japo mvita ya jamaa. Demande la présence du Saint-Esprit. Iko na lomba uwepo wa Roho Mtakatifu. Le combat de la famille. Vita ya jamaa. C'est le combat de la destinée. Inakuwa tu ni vita ya ujio. Le combat intérieur. Vita ya ndani. Il y a des choses qui te combattent à l'intérieur. Uko piti bila kupiga vita ndani. Et beaucoup de gens ne savent pas. Na watu wengi wasije kuelewa. Combattre à l'intérieur. Kusema wanapigwa vita ndani ndani. Le manque de courage. Kupusa tu kwa bidii. C'est un ennemi de la destinée. Inakuwa tu ni adui wa ujio. La timidité. Hata ile utaratibu. La peur. Poka. Ce sont des combats intérieurs. Inakuwa ni mvita ya ndani. Un homme peureux. Mtu mwenye boka. Ne fera pas de grandes choses. Asitafanya vitu vikubwa. Il y a des démons que vous chassez. Mais la peur est un démon. Lakini boka inakuwa na yule mademoni. Parce que le peureux. Kwa sababu wenye woka. C'est difficile. Inakuwa kigumu. D'opérer de grandes choses. Kwa kufanya vitu vinene. La peur. Japo boka. C'est l'ennemi de la foi. Inakuwa ni adui wa imani. Dieu peut te dire va. Mungu anaweza kuambia kwenda. Va dire à cet homme. Wende useme kwa yule mtu. Moi Dieu je dis cela. Akusema mimi Mungu nasema hivi. Ah si je parle là. Sema kama mimi naenda tukule. Et que ce n'est pas vrai. Na haina bia kweli. Qu'est-ce qu'il dira? Nini ataweza kusema? La peur. Boka. Et un monsieur qui a prié. Kuko mtu mmoja aliweza kuomba. Et Dieu lui a dit va prier pour cet enfant. Na Mungu alimwambia wende ombe ule mtoto. L'enfant de cet homme là. Na mtoto ule mtu. Va guérir. Ataponyeshwa. Lorsqu'il sera guéri. Na wakati atapata matunzo. C'est le début de ton ascension. Asa ni mwanzo wa kupanda kwako. Il part à l'hôpital. Anaenda hata kwa hospitali. Il regarde l'enfant. Anatazama tu mtoto. Il passe. Anapita. Il revient, Dieu dit, prie pour cet enfant. Mungu anamwambia ombea mtoto. Après trois jours. Kisha siku tatu. L'enfant est mort. Mtoto anafariki. Dieu lui dit. Mungu anamwambia. Même si l'enfant est mort. Hata kama mtoto anafariki. Prie pour cet enfant. Wende ombea ule mtoto. Je vais le ressusciter. Nitamfufua. Il part. Anakwenda. Il arrive au deuil, il regarde. Anafika pale anatazama. Quand on veut maintenant faire descendre les cercueils. Wakati wanapenda kushusha sanduku. Il regarde. Anatogelea sanduku. Anaangalia anasema pa. Barizika mtoto. Après des années, il prie Dieu. Kisha miaka mingi anaomba Mungu. Dit que je t'ai donné seulement une seule occasion. Mungu anamwambia nilikupa kwa tu bahati moja. À cause de ta peur. Kwa ajili tu ya boka boka. Tu as loupé cette occasion. Uweza kupusa hata ile bahati. Quand l'esprit entre en toi. Wakati roho inaingia ndani yako. Il te donne la force. Inakupa nguvu. Il te donne l'assurance. Inakupa uhakikisho. Il fait de toi un homme dur. Inafanya wewe mtu wa nguvu. D'abord le Saint-Esprit enlève la honte. Roho Mtakatifu anatoshaka taaya kumacho. Écoutez. Sikieni. Je vais vous dire. Nitamwambia. Je vais donner quelque chose qui va vous aider. Tamipa kwa kitu kimoja kitamsaidia. On peut amener les maladies. Wanaweza kuleta wagonjwa hapa. Tu pries pour les malades. Unawaombea wagonjwa. Et les autres ne sont pas guéris. Na wote waponeshwe. Et c'est ton problème à toi. Ile ni tatizo yako. C'est pas mon problème à moi. Haina tatizo yangu ile. Soit. C'est eux-mêmes. Ni bo wenyewe. Ils n'ont pas la foi. Abana na imani. Parce que Dieu, même les sceptiques qui disent venez vous tous, même si vous n'avez pas la foi, mon Dieu va vous guérir. C'est du mensonge. Inakuwa ni uongo kabisa ile wanamwambia mkuja hata kama mna na imani. C'est lui qui dit cela, c'est un menteur. Ule anamwambia vile anakuwa ni mlongofu. Selon ta foi. Ifanyike kulinganisha na imani yako. La femme qui avait la perte du sang. Hata na mwanamke anaweza kutoka damu. Jesus a dit à cette dame. Yesu alisema na mwanamke. Ta sauvé. Imani yako inakokoa. C'est moi qui t'a guéri. Asikusemi ni mimi ninakutunza. Ta foi. Alisema imani yako. Jesus a loué la foi de cette dame. Na Mungu aliweza kusurahikia imani. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Watu wa Kristo wengi hawana na imani. On dit venez, c'est lui qui est malade. Venez. Wanasema kujeni wamko wagonjwa. Nous sommes allés dans une province en Tanzanie qu'on appelle Bukoba. Turienda kufasi mwa wanaita Bukoba. L'esprit de Dieu nous a dirigé. Na roho Mungu aliweza kutongoza. Les prières aux gens qui ont des problèmes dans le sang. Ya kuombea watu walikuwa na tatizo mudamu. Nous avons dit que venez. Turuambia kujeni. Vous tous qui avez les problèmes dans le sang. Nyinyi wote mnakuwa na tatizo ndani ya damu. Vous avez les sida, venez. Hata kama mnakuwa na ukimwi kujeni. Beaucoup de gens se sont cachés. Watu wengi waliweza kubaki. Deux filles se sont élevées. Na wachache tu waliweza kusoma. Ils sont venus là devant. Walikuja kumbele. Tu souffres de quoi? Ninamwambia unakula nini? Le sida. Anasema niko na ukimwi. Devant des milliers de gens. Katikati ya watu wengi. Deux de cela, on a prié pour ces gens. Na tuweza kuombea wale watu. On dit allez tester. Tunawaambia mwende mfanye sasa. Ils sont partis. L'une est revenue avec quatre tests sans sida. C'était le mois de février ici. Ce n'est pas loin. Elle est vivante. Elle est en bonne santé. Alléluia. Amen. Mais venez, tu as honte. Tu as besoin d'un cavalier. Tu as besoin de la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle encore 8 minutes après nous entrons dans la prière. Alléluia. Ta mentalité, ta façon de penser, c'est un combat aussi. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois dans tes pensées? Toujours l'impossibilité? Toujours la honte et l'humiliation? Toujours l'échec? Tu te proclames, tu proclames toute ta vie, moi c'est comme ça. Tu parles même en langue. Ça c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dis à ton voisin, tu n'as pas été créé pour souffrir. Juge chapitre 14, c'est là que nous allons nous arrêter. Versets 5 à 6. La Bible dit, Samson descendit avec son père. Et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson sans avoir rien à la main. Écoutez, je rentre encore ici. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un cheval. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le mariage du cheval ndoa ya farasi et la colombe. Nanjiwa. Samson a été appelé, il était le dernier juge. Samson aliweza kuitwa parce qu'alikuwa ni muamuzi wa mwisho. Dans le livre des juges. Mu kitabu kya waamuzi. Il est un homme extraordinaire. Anakwetu ni mtu wa mastaajabu. Sa naissance a été une naissance différente. Ata kuzalika kwake kuruko kwa utofauti. Il n'était pas né comme les autres personnes. Asikuzalike kama watu wote. Il avait une grande destinée. Alikuwa na ujio kubwa. Avant sa naissance. Ata kabla kuzalika kwake. Sa mère a traversé un long moment de la stérilité. Mama yake alipita tama wakati nyingi ya kuzaa. Wakati tumalaika sa mère a conçu Samson. Mama yake aliweza kupata mimba Samson. Avant la conception. Na kabla kupata mimba. L'ange dit à sa mère. Malaika anasema na mama yake. Tu ne peux pas prendre de l'alcool ni de vin. Usikunye hata pombe et des nourritures impures. Na machakula chafu. L'enfant qui naîtra de toi. Kwa sababu mtoto zalika kutoka kwako. Sera un Nazaréen. Atakuwa Nazaréen. Mais lorsque Samson grandit. Na vile Samson anaweza kukomea. Il est allé à Timna. Arienda kutini. Il a vu une femme. Akaona binti. Il a dit à son père. Akasema na baba yake. Prenez-moi cette femme. Mwenitie ule mwanamke. Son père lui dit, ici il y a des femmes. Anamwambia sema hapa kuna wanawake. Tu ne peux pas te marier ici. Wewe uweze kujua kwa hapa. La Bible dit ses parents ne connaissaient pas. Na vile wazidake wakansa kujua. Et le fait que Samson puisse aller marier cette Philistine. Vile Samson akwenda kuoa Philistine. C'était la volonté de Dieu. Ilikuwa tu ni matimiliko ya Mungu. En allant à Timna. Kwa kwenda kutimna. Ils étaient trois personnes. Walikuwa watatu njiani. Son père. Baba yake, sa mère, mama yake, et lui-même. Na yeye pia. Mais la Bible dit un jeune lion. Biblia nasema hata est venu devant Samson. Simba mdogo aliweza kuja mbele ya Samson. Imaginez-vous. Fikirieni sasa. Pourquoi le lion n'a pas attaqué le père de Samson? Jioni ni simba sikuweza kushambulia baba yake Samson. Pourquoi le lion n'a pas attaqué la mère de Samson? Jioni ni simba sikushambulia baba yake Samson. Seulement Samson. Aliweza kushambulia baka Samson. Quand on voit le diable. Wakati tunaona shetani. Selon Pierre chapitre premier épître de Pierre. Kulinganisha na usomi wa Petro 5:8 chapitre 5 verset 8. Sura yake ya 5 mstari wa 18. On compare le lion au diable. Le diable, comme le lion rugissant, il cherche qui il peut dévorer. Vous savez, le lion qui est venu devant Samson, c'est l'image du diable. C'est l'image de l'opposition. Pourquoi on a attaqué Samson? Pas sa mère, pas sa mère. C'était le combat de la destinée. Parce que lui avait une grande destinée de libérer toute une nation. Tu connais des moments difficiles. Tu connais des oppositions. Cela ne veut pas dire que tu es maudit. C'est à cause de la grande destinée qui est en toi. Tu es rejeté. Tu es haï sans problème. Même ton travail, on te combat. On parle mal contre toi parce qu'ils connaissent ce que tu possèdes. C'est le diable qui a peur de toi. Maintenant, le combat de la destinée, si quelqu'un n'est pas fort, il peut abandonner sa destinée, il peut même mourir. C'est un combat qui tue les gens. C'est un combat qui change la direction des gens. Écoutez, l'ennemi ne peut pas toucher ta destinée. Parce que David dit ceci, ma destinée est entre les mains de Dieu. Mais éternel, délivre-moi de mes ennemis. Ça, c'est psaume 31:15. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Mais c'est le diable, il n'a pas touché à ta destinée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se met au milieu de toi et ta destinée. Toi, tu es ici. Ta destinée ici. Lui se met au milieu. Si tu ne frappes pas, tu vas sortir sur le chemin de ta destinée. Mais pour vaincre ce combat, qu'est-ce que la Bible dit? Samson, c'était déjà un cavalier. C'était déjà un cheval préparé. Avant même sa naissance, mais il devait entrer dans le combat. Mais la Bible dit, lorsque le lion est venu, l'Esprit de Dieu saisit Samson. Comme l'Esprit de Dieu a saisi Gédéon, c'est de la même manière que l'Esprit de Dieu a saisi Samson. Mais quand l'Esprit de Dieu saisit une personne, il y a des choses qui arrivent. La Bible dit, sans armes à la main, sans armes à la main, il déchira un lion comme une chèvre. C'est pourquoi la Bible dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu ne vaincras pas le combat de ta destinée par la mathématique de ce monde. Tu vas vaincre par l'Esprit qui est en toi. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est une arme qui détruit tes ennemis. Tu n'as pas besoin des armes. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Esaïe 59:19. Qu'est-ce que la Bible dit? On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Amen. Donc l'Esprit de Dieu, c'est une arme qui va détruire tes ennemis. Donc il n'avait pas d'arme à la main. Donc la première des choses, quand l'Esprit te saisit, le combat change de position. Ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est Dieu qui combattra. C'est l'Esprit de Dieu qui va confondre tes ennemis. Le combat de ta famille sera vaincu par l'Esprit de Dieu. Donne la place à l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas d'armes. Il était dans un lieu où il n'avait pas d'armes. L'Esprit de de Dieu Roa Mungu. Va combattre pour toi. Et t'appliques en vite à ce soir. Nous allons prier le Seigneur. La deuxième des choses. Na kitu kapiri. La deuxième des choses. Kitu kapiri. Il a déchiré un lion. Ariweza kupasula simba. Comme une chèvre. Kama mbuzi. Cela voulait dire quoi? Nini lipenda kusema? Il a déchiré avec facilité. Ariweza tukupasula na wepesi wote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc avec l'esprit de Dieu. Pamoja na Roho Mungu. Les choses impossibles. Devient possible. Les combats des générations peuvent tomber à cause de toi. À cause de l'esprit qui est sur toi. Les sorciers qui a terrassé ton père, qui a terrassé ta mère, mais devant toi, il sera comme devant Samson. Tu vas les déchirer. La maladie sera déchirée. Les problèmes seront déchirés. L'esprit de Dieu va déchirer les choses. Il a déchiré. La dernière chose. Dans la faiblesse. Le Saint-Esprit se manifeste. Rome, il était dans un lieu dangereux. Face il était sans armes. Il n'avait pas quelqu'un pour l'aider. Mais c'est là que l'Esprit se manifeste. Quand tu traverses les faiblesses, c'est là que l'Esprit se manifeste. Quand le médecin échoue, c'est là que le Saint-Esprit agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié pour un homme il y a 2-3 semaines. Il a fait 10 ans d'insomnie. Pendant 8 ans, il prenait des produits. Mais les deux dernières années ici, même les produits ont échoué. Même son argent a échoué. Il commence maintenant à dire au revoir à sa femme. Et c'était un monsieur qui s'opposait à moi. Sa femme dit, est-ce qu'on peut appeler l'apôtre Samuel? Alléluia. On m'a appelé. Je suis en train de travailler le soir. Nous avons seulement lu Psaume 4, verset 8. Nous avons prié. Il a dormi comme un enfant. C'est pour sa première fois de dormir comme ça. Et il a vu quatre sons qu'il a expliqués. À 5 heures, il m'appelle. Il me dit, je voudrais seulement t'appeler. J'ai passé une bonne nuit. Il m'a expliqué les songes. Il me dit, laisse-moi d'abord dormir encore parce que je sens que j'ai sommeil. Il m'a dit, laisse-moi d'abord dormir encore parce que je avec l'esprit de Dieu. Dans ta faiblesse, là où les médecins ont échoué, c'est là que l'esprit agit. Là où le monde a échoué, c'est là que l'esprit agit. Quand tu deviens faible, c'est là que l'esprit de Dieu agit. Tu vas détruire les combats de la destinée par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu te lèves, on lit un verset. On va le lire en français, moi je vais le lire en anglais. Parce qu'en français, ça n'a pas, ça ne parle pas, ça parle, mais en anglais, c'est Luc 19. Nous voulons faire une prière de 20 minutes, une prière forte. Et tu verras cette manifestation de là. Luc 10, 19. On nous lit en français. L'interprète peut nous lire. Moi, je lis en anglais. En français, on dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais en anglais, la Bible dit ceci. He is the enemy. Who is the enemy? Qui est l'ennemi? C'est le diable. He is the enemy. But know that I have given you more power than he is. Il dit que, vous savez ici ça parle bien. Ça dit comment? He is the enemy. So, tu peux nous interpréter? He is the enemy. But now know that I have given you more power than his. Cela veut dire, je vous ai donné une grande puissance plus que le diable votre ennemi. Anasema niweza kumipa uwezo kushindia ta shetani adui wenu. I have given you power to scratch his snake and scorpions under your feet. Nothing will hurt you. Il dit, je vous ai donné une grande puissance pour écraser les serpents ainsi que les scorpions. Aucune chose ne pourra vous nuire. Lève-toi là où tu es. Ne crains personne. Ne crains pas les gens qui te combattent. Même si c'est un magicien, tu as une puissance plus que sa magie. Tu t'ignores. Tu es grand, tu es puissant. Uko mwenye uwezo, mwenye nguvu. Lève ta main droite. Nyanyua mkono wako wa kume. Nous voulons faire une prière de 20 minutes. Tunapanda kupenda maombi ya dakika 12. Dans 5, 3 minutes. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Tu vas chanter à haute voix tout en élevant ta main. Oh Jesus. Chantant tu vois. On connaît imba kwa sauti kubwa. Alléluia. Kirash. Saisis-moi ce soir. Saisis-moi ce soir. C'est ma Rome takatif. Rome takatif. Unishike jioni ya leo. Unishike jioni ya leo. Na nguvu yako ingie maishani mwangu. Na nguvu yako ingie maishani mwangu. Bwana. Yes. Écoutez. Sikieni. Priez comme si demain. Omba kama kesho, on n'aura pas encore prié. Atustakuwa tena hapa juu. Dieu Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saisis-moi ce soir. Saisis-moi ce soir. Comme tu as saisi Samson. Comme tu as saisi Samson. Sans armes. Sans armes. Il a vaincu le combat. Il a vaincu le combat. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Unishike Roho Mtakatifu. Unishike Roho Mtakatifu. Unijaze upako. Unijaze upako. Sema unijaze upako. Unijaze upako. Kupita makomba ya mufami yetu. Kupita makomba ya mufami yetu. Kupita bajeyamba mufami yetu. Kupita bajeyamba mufami yetu. Kupita bale bajeyamba na kombatraka destine yango. Kupita bale bajeyamba. Sema ile nguvu ishuke. Ile nguvu ishuke. Onate. Yes. Forte prière. Tout un diamant maombi nguvu kabisa. Je t'ai donné la façon de prier. Nilikupa namna wewe kwa sababu. Mais l'esprit peut t'orienter aussi autrement. Lakini roho anaweza kuongoza namna nyingine. Mais ce que je te dis ce soir. Na inakwambia hicho. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ouvre ta bouche. Fungula kinywa chako. Et l'Éternel te remplira. Na wa milele atakujaza. Je veux que tu pries comme quelqu'un qui ne priera plus dans sa vie. Napenda uombe kama mtu asitombaka tena mu maisha yako. Prie avec soif. Omba na t'appelles les mêmes prières. Tu peux t'agenouiller. Tu peux te mettre debout. Tu peux t'asseoir. Mais prier sérieusement. Commence à prier. Commence à monter dans la prière. Commence à chercher la face de Dieu. Que tu sois saisi. Que tu sois rempli de la puissance de Dieu. Une puissance supérieure. Une puissance qui dépasse les combats de ta famille. Oui, j'aime ta façon de prier. Mais montez encore. Montez encore. Montez encore. Montez encore. Montez encore. Montez. Papa, je demande ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Your power. Saras. Give me more power. à prier. Continue à prier. Jesus. Holy Spirit. La puissance de Dieu. Bien prier. Lève ta main droite, c'est ma Jésus. Ce matin à haute voix. Jésus. C'est ma Rome Takatifu. Rome Takatifu. Mangaribi Aleo. Mangaribi Aleo. Ichioni Aleo. Ichioni Aleo. C'est ma simama kwenye maisha yangu. Simama kwenye maisha yangu. Bible qu'on a sema mu Esaïe 59. La Bible dit dans Esaïe 59. C'est pas ville. Bible qu'on a sema mu Esaïe 59. Bible qu'on a sema mu Esaïe 59. Verset 19. Verset 19. Asema hata kama adui anakuja kama fleuve ya mai. Hata kama adui anakuja kama fleuve ya mai. Where Rome takatifu utashimama. Where Rome takatifu utashimama. Utawafukuza. Utawafukuza. Sema Saint-Esprit. Saint-Esprit. Lève-toi ce soir dans ma vie. Lève-toi ce soir dans ma vie. Déchire mes ennemis. Déchire mes ennemis. Comme Samson a déchiré les lions. Comme Samson a déchiré les lions. Déchire tous les ennemis. Déchire tous les ennemis. De ma destinée. De ma destinée. Les ennemis dans la famille. Les ennemis dans la famille. Les ennemis dans les quartiers. Les ennemis dans le quartier. Les ennemis au travail. Les ennemis au travail. Déchire-les. Au nom de Jésus. Tu tapes les mains, tu pries très fort. Jésus, déchire. Saint-Esprit, déchire. Déchire les ennemis de ma destinée, les ennemis intérieurs. Déchire-les, déchire-les. Shabbat. Dans ma famille, dans ma famille, déchire-le. Dans ma maison, déchire-le. Oh Dieu, dans les ministères, déchire-le. Déchire-le. Ta façon de prier. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es assis. Chemote tout si maman ça ça. Et nous tous nous puissions nous tenir debout. Lève-toi demain. La Bible dit. Bible na sema. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Roya wa milele na mushika Samsoni. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira. Samson a kapaswa. Tu n'as pas de connexion pour avoir un travail. Tu n'as pas quelqu'un pour plaider ta cause. Mais tu n'as que l'Esprit de Dieu. L'Esprit supérieur. Qui peut ramasser les pauvres du fumier. Il les met avec les grands. Élève tes deux mains comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital. Tu n'as pas quelqu'un pour te donner le capital. Tu n'as pas quelqu'un qui va parler pour toi. Mais ce soir, Samson n'avait rien à la main. Toi aussi, tu n'as rien. Tu n'as que l'Esprit de Dieu. Oui, je sens quelque chose. Église, nous n'avons rien. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas le mariage. Tu n'as pas d'enfant. Mais l'Esprit de Dieu est là. Samson n'avait rien. Mais quand l'Esprit l'a saisi, sans arme à la main, il a déchiré. Ce soir, sans connexion, tu vas entrer. Sans médicament, tu seras guéri ce soir. Sans publicité, l'Esprit va te faire connaître. La Bible dit ceci. Jésus revenu, rempli de sa puissance, sa renommée était répandue. Oh, la puissance de Dieu peut te donner une renommée extraordinaire. C'est la dernière prière de ce soir. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Sina mutu. Sina connexion. Sina chochote. Sina chochote. Nikona weye tu. Unipambe mangaribi ya leo. Unipambe mangaribi ya leo. Niweze kufanya bile binashindikana kama familia. Niweze kufanya bile binashindikana kama familia. Mimi niwe wa kwanza. Mimi najua kwanza. Sema unipambe mangaribi ya leo. Unipambe mangaribi. Oroda! Yes. Je sens il y a une onction. Mimi nasikia upako. Qui saisit la vie de quelqu'un. Il connaît mais chame tout moja. Comment ça monte? Upanda. Fais une prière de 3 minutes. Fanya maombi ya dakika 3. Mais Seigneur, sema Bwana. Sina dawa. Sina dawa. Sina makuta ya swa. Sina makuta ya swa. Mimi mangaribi ya leo. Lakini mangaribi ya leo. Unibambe nipone. Unibambe nipone. Sikusomaka sana. Sikusomaka sana. Ni mangaribi ya leo. Ni mangaribi ya leo. Unipambe ufanye miujiza. Unipambe ufanye miujiza. Sina mzuri sana. Sina mzuri sana. Ni mangaribi ya leo. Lakini mangaribi ya leo. Unipambe niolewe shabaza. Unipambe niolewe. Panda niveau ya maombi yako. Sasa kupanda. Brie na la foi. Omba mwimani. Nisikie sauti yako. Je puisse écouter ta voix. Sauti yako izidi ya mwenzako. Que ta voix puisse dominer ton ami, ton prochain. Usiache jirani yako ameze sauti yako. Ne laisse pas que celui qui est à côté de toi domine ta voix. Karamash. Ne baissez pas, sois toujours au-dessus de lui. Alléluia. Karamash. Alléluia. Père. Alléluia. Samson. Alléluia. N'avait pas quelque chose à la main. Mais il a accompli l'impossible. Moi aussi, je n'ai rien. Je n'ai pas de partenaire. Je n'ai pas aimé. Seigneur, saisis-moi ce soir. Les autres ont leur char. Les autres ont leur connexion. Mais moi, je n'ai rien. Je n'ai que toi, Saint-Esprit. Saisis-moi ce soir. Gédéon était pauvre. Mais quand tu l'as saisi, il a accompli l'impossible. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une onction de transformation. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Montez. Montez. Montez. Oui, il y a quelque chose qui arrive. Papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa. Continue à monter. Continue à monter. Ravage. Ma famille, je n'ai que toi. Ma vie, je n'ai que toi. fut comme Gédéon, face à des combats terribles, frère. Il y a des prières qu'il ne faut pas rater dans la vie. Il y a des moments qu'il ne faut pas rater. Parce qu'il y a des choses à faire bouger. Dans le combat de ta destinée. Ça vient des familles. Ça vient des quartiers. Ça vient de la ville. Ça vient au travail. Ça vient de l'église. Quel qu'il soit, comme le lion, tu seras déchiré comme le chevreau. Baba Sant Mangaribiale. Merci Père ce soir. Tu es Dieu. Ou comme Mungu. Tu es Dieu. Ou comme Mungu. Et tu es fidèle. Ou comme moi, Minif. Tu prépares. On a ta riche. Le chevaux. La punda. Pour que revêtu de l'esprit. Soit que le combat soit lancé. Le combat dans la victoire. Parce que rien ne va résister dans le combat. Même le lion sera déchiré. Même les fleurs avec leur puissance seront mis en déroute. Père, merci. Accomplis ces choses dans la vie de tes enfants et dans la vie de cette église. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer encore? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Nous passons aux offrandes. Pendant que la chorale nous conduit dans la louange.